Chapitre 29. L'assemblée a pris place. Au milieu des héros, Achille enfin se lève et s'exprime en ces mots. Pope, traduction de l'Iliade. À la tête des prisonniers marchait Cora, les bras enlacés dans ceux d'Alice, avec toute l'ardeur d'une tendresse fraternelle. Malgré le spectacle alarmant que présentait l'assemblée, elle semblait, la généreuse fille, avoir oublié ses propres dangers, et ses regards demeuraient fixés sur les traits pâlis et inquiets de sa tremblante sœur. Tout près d'elle se tenait le major Hayward, prenant à toutes deux un intérêt égal et sachant à peine, en ce moment d'angoisse, quelle préférence accorder à celle qu'il aimait le plus. Œil de Faucon venait un peu en arrière, par déférence pour son supérieur, dont une communauté d'infortune n'avait pu lui faire oublier le rang. Uncas n'était point parmi eux. Quand le silence le plus parfait fut de nouveau rétabli, et après la pause solennelle d'usage, un des deux vieillards assis auprès du patriarche se leva et demanda tout haut, en anglais très intelligible, « Lequel de mes prisonniers est la longue carabine ?» Le chasseur jugea à propos de garder le silence. Duncan, toutefois, promena ses regards sur l'assemblée et recula d'un pas en apercevant le traître Magua. Il comprit sur le champ que le rusé sauvage n'était point étranger à leur mise en jugement, et il résolut de mettre tout en œuvre pour faire obstacle à ses sinistres desseins. Se souvenant d'avoir été témoin d'un exemple de la justice sommaire des Indiens, il appréhenda que son compagnon ne fût destiné à en servir à son tour. Sans se donner le temps de réfléchir, il prit la résolution subite de sauver son courageux ami, quoi qu'il pût lui en coûter à lui-même. Aussi, quand la question eut été répétée d'une voix plus forte, s'écria-t-il fièrement « Donnez-nous des armes et placez-nous dans ces bois, nos actions parleront pour nous. » « C'est donc là le guerrier dont le nom a rempli nos oreilles ?» reprit le chef, en regardant Hayward avec cette espèce de curiosité passionnée qu'on ressent à la vue d'un homme que le mérite ou le hasard, la vertu ou le crime, ont rendu célèbre. « Quel motif a conduit l'homme blanc dans le camp des Delawares ?» « Le besoin !» Je viens chercher de la nourriture, un abri et des amis. Cela n'est pas possible. Les bois sont pleins de gibier. La tête d'un guerrier ne réclame d'autre abri qu'un ciel sans nuages. Et les Delawares sont les ennemis, non les amis des Yengwis. Va, ta bouche a parlé, mais ton cœur n'a rien dit. Duncan, ne sachant trop ce qu'il devait répondre, se tut. Mais Œil de Faucon, qui avait prêté à ce colloque une oreille attentive, s'avança hardiment et prit à son tour la parole. « Si je n'ai pas répondu au nom de Longue Carabine, dit-il, ce n'était ni par honte ni par crainte, car ni l'une ni l'autre ne sont le partage d'un honnête homme. Mais je n'admets pas que les Mingos affublent d'un tel sobriquet celui qui a reçu de ses amis une distinction plus honorable. » La longue carabine, c'est l'envers du bon sens, puisque mon percedin est un vrai fusil rayé et non une carabine. Quoi qu'il en soit, l'homme qui a reçu de ses parents le nom de Nathaniel, que les Delawares campés au bord de la rivière du même nom ont honoré du titre flatteur d'Œil de Faucon, et que les Iroquois se sont permis de baptiser la longue carabine sans y être autorisés par celui que cela concerne, « Cet homme-là, c'est moi !» Tous les regards qui jusque-là avaient gravement épluché la personne de Duncan se portèrent alors sur les traits mâles et le corps de fer de ce nouveau prétendant à un titre glorieux. Il n'y avait rien d'étonnant à voir deux individus se disputer un tel honneur, car les imposteurs, quoique rares, n'étaient pas inconnus parmi les Indiens, mais il importait aux Delawares, s'ils voulaient juger en toute équité, qu'il n'y eut point à cet égard de méprise. Quelques-uns de leurs anciens se consultèrent entre eux, et cette conférence sembla avoir pour résultat d'interroger leur hôte à ce sujet. « Mon frère, demanda le chef au renard subtil, a dit qu'un serpent s'était glissé dans mon camp. Quel est-il ? » Le Huron désigna du doigt le chasseur sans ajouter une parole. Un sage de la War prêtera-t-il l'oreille à l'aboiement d'un loup ? S'écria Duncan, encore plus convaincu des mauvaises intentions de son ennemi. Un chien ne ment jamais, mais quand a-t-on vu un loup dire la vérité ? Les yeux de Magua lancèrent des flammes, puis, se rappelant à propos la nécessité de conserver son sang-froid, il se détourna avec un air de mépris hautain, bien assuré que la sagacité des Indiens ne faillirait point à découvrir la vérité dans ce conflit de prétentions. Il ne se trompait pas. Après une autre consultation fort courte, le vieux Delaware s'adressa de nouveau à lui pour faire reconnaître la résolution des chefs, quoique dans les termes les plus circonspects. « On a appelé mon frère un menteur, » dit-il, « et cela a fâché ses amis. Ils vont prouver qu'il a dit la vérité. Qu'on donne des fusils à mes prisonniers. C'est à leurs actes de montrer celui que nous cherchons. » Tout en sentant qu'on se défiait de lui, Magua feignit de considérer l'épreuve comme un hommage rendu à sa véracité, garanti d'avance par l'adresse bien connue du chasseur. Il se borna en conséquence à faire un geste d'assentiment. Des armes furent aussitôt remises entre les mains des deux amis rivaux, et ils eurent ordre de tirer, par-dessus la multitude, contre une écuelle restée, par hasard, accrochés au sommet d'un vieux tronc d'arbre, à 150 pieds de l'endroit où ils étaient placés. Hayward sourit en lui-même à l'idée d'entrer en lutte avec le chasseur. Il n'en résolut pas moins de persévérer dans son mensonge, jusqu'à ce qu'il pénétrât les desseins de Magua. Il prit donc le fusil, ajusta par 3 fois avec le plus grand soin et fit feu. La balle entra dans le bois à quelques pouces du vaisseau, et un cri général de satisfaction annonça que le coup était considéré comme une épreuve singulière d'adresse. Œil de Faucon lui-même approuva de la tête, comme pour dire qu'il n'augurait pas si bien de la part du major. Au lieu pourtant de se mettre en devoir de disputer le prix de l'adresse de son heureux rival, il resta quelque temps appuyé sur son fusil, dans l'attitude d'un homme absorbé par ses pensées. Il fut tiré de sa rêverie par l'un des jeunes Indiens qui avait fourni les armes et qui vint lui toucher l'épaule en disant en fort mauvais anglais « Le visage pâle peut-il faire mieux ?» Œil de Faucon saisit le fusil et l'agita en l'air avec autant d'aisance qu'il aurait fait d'un roseau. Puis, les yeux attachés sur Magua, « Ah, Huron ! » s'écria-t-il, « je pourrais te tuer à cette heure !» Et nulle puissance ici-bas ne saurait arrêter le coup. Le faucon qui plane au-dessus de la colombe n'en est pas plus maître que je ne le suis à présent de toi, s'il me plaisait de t'envoyer une balle au cœur. Pourquoi ne le fais-je pas ? Pourquoi ? Parce que la qualité de ma couleur me le défend, et que je pourrais attirer le malheur sur des têtes précieuses et innocentes. Si tu reconnais un dieu, remercie le don du fond de ton âme. Ce ne sera pas sans raison. » L'attitude irritée du chasseur, son œil étincelant, ses joues enflammées excitèrent un sentiment de terreur secrète chez tous ceux qui l'entendirent. L'attention redoublée des Delawares leur permettait à peine de respirer, et Magua, tout en se défiant de la magnanimité de son ennemi, resta immobile et calme à la place qu'il occupait au milieu de la foule, comme s'il y eût pris racine. Le jeune Delaware, toujours debout aux côtés du chasseur, se mit à dire « Il s'agit de faire mieux !»« Mieux que quoi, imbécile ?» répondit Œil de Faucon en brandissant de nouveau son arme au-dessus de sa tête, bien qu'il eût tourné le dos au renard subtil. « Que veux-tu dire ? Si l'homme blanc est le guerrier qu'il prétend être, » ajouta le chef, « qu'il frappe plus près du but !» Le chasseur partit alors d'un rire de mépris, mais cette fois il rit tout haut, et ce bruit produisit sur Hayward l'effet d'un ricanement satanique. Puis il abattit lourdement le fusil dans sa main gauche. Le coup fit explosion comme si c'eût été l'effet de la secousse, et l'écuelle, volant en éclats, couvrit le tronc d'arbre de ses débris. Au même instant, on entendit tomber le fusil à terre où l'avait jeté dédaigneusement le tireur. À cette étrange scène, le premier mouvement de la foule fut d'applaudir et de s'émerveiller. Revenu de sa surprise, Elle protesta ensuite par un sourd murmure, et tandis que la minorité témoignait ouvertement son admiration, le plus grand nombre paraissait attribuer au hasard ce prodige d'adresse. Hayward se hâta d'appuyer une opinion qui favorisait ses prétentions. « C'est un hasard ! » s'écria-t-il. « On ne peut frapper sans ajuster !»« Un hasard !» répéta le chasseur, qui commençait à s'échauffer. N'ayant point aperçu les signes que lui faisait le major pour qu'il se prêtât à une substitution de personne, il était obstinément décidé à soutenir son identité à tout prix. « Ce menteur de Huron croit-il aussi, lui, que ce soit un hasard ? Donnez-lui un fusil, placez-nous face à face, à découvert et de franc enjeu, et que la Providence et notre coup d'œil décident de l'affaire entre nous. Je ne vous en propose pas autant, major, car notre peau est de la même couleur, et nous servons le même maître. » « Que le Huron soit un menteur, c'est évident, » riposta froidement Hayward. « Vous l'avez entendu vous-même affirmer que vous étiez la longue carabine. » Il est impossible de dire à quelles assertions violentes Œil de Faucon se serait porté dans son entêtement invincible à revendiquer son identité, si le vieux Delaware ne se fût entremis de nouveau. « Le faucon qui vient des nuages peut y retourner quand il lui plaît, » dit-il. « Donnez-leur les fusils. » Cette fois, le chasseur saisit l'arme avec empressement, et Magua, qui surveillait tous ses mouvements d'un œil inquiet, n'eut plus de motif de crainte. « Qu'il soit donc prouvé à la face de cette tribu de Delaware qu'elle est le plus habile de nous deux !» s'écria le chasseur en frappant la crosse de son fusil de cette main redoutable qui avait fait partir tant de coups meurtriers. « Voyez-vous cette gourde qui pente à cet arbre là-bas ? Eh bien, major, si vous êtes un des bons tireurs de la frontière, brisez-la en morceaux !» Duncan regarda le but qui lui était désigné et se prépara à renouveler l'épreuve. La gourde était un de ces petits vaisseaux de terre dont les Indiens font usage. Elle était suspendue à la branche morte d'un petit pin par une lanière de cuir et la distance était de 300 pieds au moins. L'amour-propre est sujet à de telles bizarreries que le jeune officier, fort indifférent du reste au suffrage de ces sauvages arbitres, oublia tout à coup les motifs de la contestation pour ne s'occuper qu'à remporter la victoire. On a déjà vu qu'il n'était pas un tireur à dédaigner, et il résolut de mettre toute son habileté en jeu. Sa vie eût-elle dépendu du coup qu'il allait tirer, il n'eût pas apporté plus de soin et d'attention à viser. Il fit feu, et 3 ou 4 jeunes Indiens qui s'étaient précipités vers le but aussitôt après la détonation annoncèrent à grands cris que la balle était dans l'arbre, à très peu de distance de la gourde. Les guerriers poussèrent leur exclamation favorite, et leurs yeux se portèrent sur son rival afin de voir ce qu'il allait faire. « Pour un royal américain, cela peut passer, » dit Œil de Faucon en riant cette fois à sa manière silencieuse. « Mais si mon fusil avait souvent fait de tels écarts, bien des martes, dont la peau est dans le manchon d'une dame, trotterait encore par les bois, et plus d'un féroce Mingo qui est allé là-haut rendre ses comptes continuerait ses diaboliques exploits sur la frontière des provinces. J'espère que la femme à qui appartient cette gourde en a d'autres dans son wigwam, car celle-ci ne contiendra plus d'eau. » Tout en parlant, il visitait la batterie et armait son fusil. Après avoir prononcé les derniers mots, il retira un pied en arrière et éleva le canon d'un mouvement lent, uniforme et dans une direction unique. Lorsqu'elle fut de niveau, il la laissa un moment dans une immobilité telle que l'homme et le fusil avaient l'air d'être sculptés en pierre. Pendant cet intervalle rapide, l'arme partit en jetant une flamme brillante. Les jeunes garçons s'élancèrent de nouveau et, après avoir inutilement cherché, rapportèrent qu'on ne voyait aucune trace de la balle. « Va !» dit le vieux chef au chasseur avec un accent de dur mépris. « Tu es un loup sous la peau d'un chien. Je vais parler à la longue carabine des Yengwis. »« Ah !» répondit Œil de Faucon sans s'émouvoir. « Si j'avais l'arme qui vous a fourni le nom dont vous vous servez, je m'engagerais à couper la corde et à faire tomber la gourde au lieu de la percer. » « Ignorant, si vous voulez trouver la balle d'un bon tireur des bois, C'est dans l'objet visé et non autour qu'il faut la chercher. » Les jeunes Indiens le comprirent sur le champ, car cette fois ils s'exprimaient en Delaware. Ils coururent détacher la gourde et, l'élevant en l'air avec des cris de joie, ils montrèrent dans le fond un trou que la balle y avait fait après avoir passé par l'orifice. À cette preuve inouïe d'adresse, toute l'assistance éclata en cris d'admiration. Dès lors, la question fut décidée, et Œil de Faucon rétablit dans la possession incontestable de sa dangereuse célébrité. Les regards curieux qui s'étaient de nouveau dirigés vers Hayward se détournèrent sur le robuste chasseur, qui devint l'objet de la curiosité générale pour la population simple et naïve dont il était entouré. Lorsque cette agitation bruyante se fut calmée, le vieux chef reprit son interrogatoire. « Pourquoi as-tu cherché à boucher mes oreilles ?» dit-il en s'adressant au major. « Les Delawares sont-ils des fous qu'ils ne puissent distinguer la jeune panthère du chat sauvage ? Ils ne tarderont pas à reconnaître, » répondit Duncan en se servant des métaphores indiennes, « que le Huron n'est qu'un oiseau gazouilleur. C'est bon. » Nous verrons qui peut prétendre à fermer les oreilles d'hommes tels que nous, frères, ajouta le chef en se tournant vers Magua. Les Delawares écoutent. Ainsi interpellé, d'une manière personnelle et directe, le renard subtil se leva et, s'avançant d'un pas grave et délibéré au centre du cercle et en face des prisonniers, il prit l'attitude d'un orateur qui va prononcer un discours. Néanmoins, avant d'ouvrir la bouche, il promena lentement ses regards sur toutes ces physionomies attentives qui formaient autour de lui comme un rempart afin d'adapter son langage au caractère de son auditoire. Il jeta sur Œil de Faucon un regard d'hostilité respectueuse et sur Duncan de haine implacable. Il daigna à peine remarquer la timide Alice. Mais quand son œil rencontra Cora, dont un fier maintien rehaussait la beauté majestueuse, il la contempla un moment avec une expression qu'il eût été difficile de définir. Alors, tout pénétré de ses sinistres desseins, Magua s'exprima dans la langue du Canada, qu'il savait être comprise de la plupart de ses auditeurs. L'esprit créateur des hommes leur a donné des couleurs différentes, dit-il en commençant. Les uns sont plus noirs que l'ours paresseux. Il dit à ceux-là qu'ils seraient esclaves et leur commanda de travailler à jamais comme le castor. Vous pouvez, quand le vent souffle du sud, les entendre gémir plus fort que ne mugissent les bisons le long des rivages de la grande eau salée où de gros canaux les portent et les remportent par troupes. À d'autres, il a donné des faces plus blanches que l'hermine des forêts. Il leur commanda d'être marchands, chiens pour leurs femmes et loups pour leurs esclaves. Il a donné à cette race la nature du pigeon, des ailes infatigables, des petits plus nombreux que les feuilles des bois et des appétits capables de dévorer la terre. Il leur a donné une voix perfide comme le cri trompeur du chat sauvage, des cœurs de lapin, la malice du pourceau et non pas celle du renard, et des bras plus longs que les jambes de l'élan. La langue de cette race a l'art de boucher les oreilles des Indiens. Son cœur lui enseigne à payer des guerriers qui combattent pour lui. Sa malice lui apprend à s'emparer de tous les biens de la terre, et ses bras enserrent le pays depuis les bords de l'eau salée jusqu'aux îles du Grand Lac. Sa gloutonnerie la rend malade. Dieu lui a donné suffisamment, et elle veut tout avoir. Tels sont les visages pâles. D'autres enfin ont reçu du grand esprit des peaux plus rouges et plus brillantes que ce soleil, continua Magua en montrant par un geste expressif l'astre radieux qui cherchait à se dégager des vapeurs de l'horizon. Et ceux-là, il les créa selon son cœur. Il leur donna cette île telle qu'il l'avait faite, couverte d'arbres et pleine de gibier. Le vent fit leur clairière. Le soleil et la pluie mûrirent leurs fruits, et les neiges vinrent leur apprendre à être reconnaissants. Qu'avaient-ils besoin de route pour voyager? Ils voyaient à travers les montagnes. Quand les castors travaillaient, ils se couchaient à l'ombre et les regardaient faire. L'été, les vents les rafraîchissaient. L'hiver, Les fourrures leur prêtaient une douce chaleur. S'ils se battaient entre eux, c'était pour montrer leur caractère d'homme. Ils étaient braves, ils étaient justes, ils étaient heureux. » Ici, l'orateur s'arrêta et regarda autour de lui pour voir si son discours éveillait la sympathie chez ses auditeurs. Partout, il ne vit que des yeux fixés sur les siens, des coups tendus, des narines dilatées, comme si chaque individu présent se fût senti la volonté et le pouvoir de venger à lui seul les injures de sa race. « Si le grand esprit a donné des langues différentes à ses enfants rouges, reprit-il en baissant la voix et d'un accent de tristesse, c'était pour que tous les animaux pussent les comprendre. Il a placé les uns parmi les neiges avec leur cousin l'ours, d'autres près du soleil couchant, sur la route qui conduit au territoire de chasse où les justes iront après leur mort, d'autres enfin sur les terres qui avoisinent les grandes eaux douces. Mais aux plus grands de ses enfants, à ceux qu'il aime le plus, il a donné les sables du lac salé. Mes frères, connaissent-ils le nom de ce peuple favorisé? Les Lenapes! S'écrièrent à l'envi une vingtaine de voix. Les Lenapes! Oui, c'étaient les Lenni-Lenapes, reprit Magua en affectant d'incliner la tête par respect pour leur antique grandeur. C'étaient les tribus des Lenapes. Jamais le soleil, depuis qu'il sortait de l'eau salée jusqu'à son coucher dans l'eau douce, ne se cachait à leurs yeux. Mais qu'ai-je à faire, moi, Huron des Bois, de raconter à un peuple sage ses propres traditions? Pourquoi lui rappeler ses injures, son ancienne puissance, ses exploits, sa gloire, ses pertes, ses défaites, sa misère? N'y a-t-il pas ici quelqu'un qui a vu tout cela et qui sait que cela est vrai? J'ai dit. Ma langue est muette, mais mes oreilles sont ouvertes. » Le renard subtil cessa de parler, et à l'instant même tout le monde se tourna, par un mouvement unanime, vers le vénérable Tamenund. Depuis le moment où il s'était assis, le patriarche n'avait pas desserré les lèvres, ni donné signe de vie. Durant l'espèce d'intermède où Œil de Faucon avait victorieusement démontré son identité, il s'était tenu à demi courbé, sans paraître prendre aucun intérêt à ce qui se passait. En entendant les inflexions habilement graduées de la voix de Magua, il reprit quelques connaissances, et une ou deux fois il souleva la tête comme pour écouter. Lorsque l'artificieux Huron eut prononcé le nom de sa nation, les paupières du vieillard s'entr'ouvrirent, et il regarda la multitude avec l'expression lugubre et terne que l'on prête aux fantômes. Il fit un effort pour se lever, et soutenu par ses deux voisins, il resta debout, dans une attitude de dignité imposante, malgré la faiblesse de son grand âge. « Qui parle des enfants des Lenapes ? » dit-il d'une voix sourde et gutturale, que le religieux silence de la foule permit d'entendre. « Qui parle des choses qui ne sont plus? L'œuf ne se change-t-il pas en ver, le ver en papillon, pour périr ensuite? Pourquoi entretenir les Delawares du bien qui a disparu? Mieux vaut rendre grâce au Manitou de ce qu'il leur reste. C'est un Wyandot, » dit Magua en s'approchant de la plateforme grossière sur laquelle était le vieillard. « C'est un ami de Tamenund. » « Un ami ? » répéta le sage. En même temps, son front se couvrit d'un sombre nuage et s'arma d'une partie de cette sévérité qui avait rendu son regard si terrible au temps de sa vigueur. « Les Mingos gouvernent-ils la terre ? » ajouta-t-il. « Un Huron ici ? Que vient-il chercher ? Justice ! Ses prisonniers sont chez ses frères ! » et il vient réclamer ce qui est à lui. » Tamenund tourna la tête vers l'un des chefs qui le soutenait et prêta l'oreille à la courte explication qu'il lui donna. Puis, se tournant vers le postulant, il le regarda avec une longue attention. « La justice est la loi du grand Manitou, » répondit-il avec une sorte de répugnance. « Mes enfants, offrez des aliments à l'étranger. Ensuite, Huron, prends ton bien et laisse-nous. » Après avoir rendu ce jugement solennel, Le patriarche se rassit et ferma de nouveau les yeux, comme si les images du passé lui semblaient plus agréables à voir que celles du présent. Nul Delaware n'eut l'audace de se récrier, encore moins de s'opposer à l'exécution de la sentence. Quatre ou cinq jeunes guerriers, s'élançant derrière Hayward et le chasseur, passèrent des cordes autour de leurs bras avec tant d'adresse et de rapidité qu'en un clin d'œil ils se trouvèrent tous deux dans l'impossibilité de faire le moindre mouvement. Le premier était occupé à soutenir son précieux fardeau, Alice, qui s'était presque évanouie, en sorte qu'il ne connut leurs intentions que lorsqu'elles furent exécutées. Le dernier, qui considérait les tribus des Delawares comme une race d'êtres supérieurs, se soumit sans résistance. Peut-être eût-il été moins docile si le dialogue qui venait d'avoir lieu s'était tenu dans une langue qui lui fût plus familière. Magua promena un regard de triomphe sur l'assemblée avant de procéder à l'exécution de ses desseins. Voyant que les hommes étaient hors d'état de résister, il se tourna vers celle qui avait le plus de prix à ses yeux. Cora soutint son regard avec tant de calme et de fermeté qu'il sentit chanceler sa résolution. Alors, se rappelant l'artifice dont il s'était déjà servi, il prit Alice des bras de Duncan sur qui elle s'appuyait, et faisant signe au major de le suivre, il ordonna à la foule de lui ouvrir un passage. Cora, au lieu de céder à l'impulsion sur laquelle il avait compté, se précipita aux pieds du patriarche et, élevant la voix, « Juste et vénérable Delaware, s'écria-t-elle, nous nous mettons à la merci de ta sagesse et de ton pouvoir. N'écoute point ce monstre perfide et inaccessible aux remords qui empoisonne tes oreilles de mensonges pour assouvir la soif qu'il a de notre sang. Toi qui as longtemps vécu et qui as vu les maux de ce monde, tu dois avoir appris à en adoucir les calamités aux malheureux. » Les paupières appesanties du vieillard se soulevèrent et il regarda de nouveau la multitude. Lorsque les accents déchirants de la suppliante parvinrent à son oreille, ses yeux se tournèrent lentement dans la direction de sa personne et finirent par se fixer sur elle avec une intensité singulière. Cora s'était jetée à genoux et les mains jointes pressées sur sa poitrine, modèle accompli de la beauté de son sexe, elle contemplait, dans un élan de pieuse vénération, le visage flétri, mais majestueux encore, du patriarche. Peu à peu, la physionomie de Tamenund s'anima. Le vague de ses traits fit place à l'admiration, et il semblait rebriller d'un rayon de cette intelligence qui, au jour de sa jeunesse, avait communiqué son enthousiasme aux bandes nombreuses des Delawares. Se levant sans aide et comme sans effort, il demanda d'une voix dont la fermeté surprit son auditoire. « Qui es-tu ? » « Une femme, » répondit Cora. « Une femme d'une race détestée, si tu veux, une Yengi, mais une femme qui ne t'a jamais fait de mal, qui ne pourrait pas en faire à ton peuple quand même elle le voudrait et qui implore ton assistance. »« Dites-moi, mes enfants, » reprit le patriarche en s'adressant à ceux qui l'entouraient, mais les yeux toujours fixés sur Cora agenouillée. « Où les Delawares ont-ils campé ?» Dans les montagnes des Iroquois, par-delà les sources limpides de l'Oricon. Bien des étés brûlants ont lui et son passé, continua le sage, depuis que je n'ai bu des eaux de ma rivière. Les enfants de Miquon sont les plus justes des hommes blancs, mais ils avaient soif, et ils ont gardé l'eau pour eux. Est-ce qu'ils nous ont suivis de si loin? Nous ne suivons personne, nous ne convoitons rien, dit Cora avec vivacité. Captifs contre notre volonté, nous avons été amenés parmi vous, et nous demandons la permission de nous en retourner en paix. N'es-tu pas Tamenund, le père, le juge, j'allais presque dire le prophète de ce peuple? Je suis Tamenund au jour sans nombre. Eh bien, il y a 7 ans environ que l'un des tiens était à la merci d'un chef blanc sur la frontière de cette province. Il se dit de la famille du bon et juste Tamenund. « Va, dit l'homme blanc, par égard pour ton parent, tu es libre. Te souviens-tu du nom de ce guerrier anglais ?»« Je me souviens qu'étant un petit garçon folâtre, » repartit le patriarche avec la mémoire tenace des gens qui sont au déclin de l'âge, « Je m'amusais sur le sable au bord de la mer, et je vis un grand canot, avec des ailes plus blanches que celles des cygnes et plus larges que plusieurs aigles réunis, qui venaient du soleil levant. Non, non, je ne parle pas d'un temps si éloigné, mais d'un service rendu à quelqu'un de ta race par l'un des miens, et dont tes plus jeunes guerriers peuvent avoir souvenance. Était-ce lorsque les Yengwis et les Hollandais se battaient à qui occuperait les territoires de chasse des Delawares? C'est alors que Tamenund, devenu chef, abandonna l'arc pour le tonnerre des visages pâles et... Plus tard encore, interrompit de nouveau Cora, beaucoup plus tard, je parle d'une chose d'hier. Oh, bien sûr, tu ne l'as pas oubliée. Hier, dit le vieillard, et sa voix creuse prit une expression touchante. Hier encore, les enfants des Lenapes étaient les maîtres du monde. Les poissons du lac salé, les oiseaux, les bêtes et les mingos des bois les reconnaissaient pour Sagamore. Cora, sous le poids d'une déception cruelle, baissa la tête et pendant un moment lutta contre le désespoir. Puis, reprenant courage, elle fit cette demande touchante. « Dites-moi, Tamenund est-il père ?» De son estrade élevée, le vieillard la regarda avec un sourire bienveillant, et promenant lentement les yeux sur la multitude assemblée, il répondit « Oui, d'une nation. » « Pour moi, je ne demande rien, comme toi et les tiens, chef vénérable. » ajouta-t-elle, et pressant convulsivement ses mains sur son cœur, elle laissa retomber sa tête, et ses joues brûlantes ne furent presque plus visibles sous les flots de sa chevelure noire et lustrée, qui couvrait en désordre ses épaules. « La malédiction de mes ancêtres est tombée de tout son poids sur leur enfant, mais en voici une qui n'a jamais connu jusqu'à ce jour la colère céleste. Elle est la fille d'un mortel vieux et faible, dont les jours sont près de leur fin. » Elle a bien des amis qui l'aiment et dont elle fait les délices. Elle est trop pure, trop précieuse pour devenir la victime de ce misérable. Je sais que les visages pâles sont une race orgueilleuse et avide. Je sais que non seulement ils veulent l'empire de la terre, mais qu'ils estiment le dernier de leur couleur au-dessus des sachems de l'homme rouge. Puis, sans remarquer que ces paroles perçaient le cœur de celle qui l'écoutait, et qui s'abîmait presque de honte la tête contre terre, le vieillard ajouta avec chaleur. On entendrait les chiens et les corbeaux de leur tribu aboyer et croasser s'il leur arrivait d'amener dans leur wigwam une femme dont le sang n'eût pas la couleur de la neige. Mais qu'ils ne se vantent pas trop devant la face de Manitou. Ils sont entrés dans le pays au lever du soleil. Ils peuvent en sortir à son coucher. J'ai souvent vu les sauterelles dépouiller les arbres de leur verdure. Mais toujours le printemps la leur a rendue. Il est vrai, dit Cora en exhalant un long soupir, comme si elle fût sortie d'une pénible agonie. Puis redressant la tête et rejetant ses cheveux en arrière, elle laissa voir des yeux pleins de feu qui contrastaient avec la pâleur mortelle de sa figure. Mais ce n'est pas à nous de chercher à pénétrer ces mystères. Il y a encore un prisonnier qui n'a pas été amené devant toi. Il est de ton peuple. Avant de laisser le Huron partir en triomphe, entends-le parler. » Voyant que Tamenund regardait autour de lui d'un air de doute, un de ses acolytes lui dit « C'est un serpent, un pot rouge à la solde des Yengwis. Nous le réservons pour la torture. » « Qu'il vienne !» répondit le sage. Tamenund retomba sur son siège et pendant que les jeunes hommes se préparaient à exécuter cet ordre, il régna un si profond silence qu'on entendait distinctement le bruit des feuilles agitées par la brise du matin dans la forêt voisine.